L'Association d'études de la politique de Sungun de Grande-Bretagne, le Cercle d'études des états du Jussé de Grande-Bretagne, l'Association d'amitié Grande-Bretagne-Corée et le Comité préparatoire britannique pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes actuels en 2017 ont publié une déclaration commune qui soutient l'appel de la conférence conjointe du gouvernement, des partis politiques et des organisations de la République populaire démocratique de Corée et qui souligne que l'application de l'appel fera une grande percée dans la lutte pour la réunification coréenne et contribuera activement à la paix dans le monde.